Je fais feu dans les grandes étendues, je me mets à dire que la nature est celle qui, à vrai dire, semble s'écrire comme l'oiseau que la pensée s'envole. Comme que la pensée s'envole. Demain peut-être elle reviendra, demain peut-être elle reprendra ainsi son droit. Quand je fais face dans les méandres, je me mets à dire, je me revois dans l'imagination, imagination qui taquine, est-ce le king qui à peu dire semble s'écline comme l'oiseau que la pensée s'envole, comme l'oiseau que la pensée s'envole. Demain peut-être elle reviendra aussi, enfin aussi elle reprendra peut-être son droit. Comme je fais feu dans les grandes étendues, comme je fais face dans ce petit plat de bandes qui font penser à l'autoroute. Pour l'image, image qui taquine, image qui n'est pas toujours celle que l'on voudrait peut-être voir, celle qui, à vrai dire, n'existe pas, celle qui, à vrai dire, ne voudrait peut-être pas, celle qui, à vrai dire, n'existe pas, celle qui, à vrai dire, n'a pas de nom. Quand je fais feu, dans les grandes étendues, je me mets à dire que la nature est celle qui, à vrai dire, semble s'écrire comme l'oiseau que la pensée s'envole, comme l'oiseau que